Yeah. Ça a changé maintenant. Je suis beaucoup plus sage. I'm a new man, trust me. Hey. Autour du cou, je t'ai mis du ice. Et maintenant, c'est toi mon price. Mais avant ça, faut que je te raconte les bails. La vie d'un homme qui vit sa vie avant qu'il rencontre sa femme. Bref, c'était moi. Avant que je te voie, j'aurais des points comme un boulanger. Soit le business ou être accompagné. Comme ça que je passe la journée. J'avais aucune attache. Quelques heures à l'hôtel après le plaisir direct. Je rentre à la maison. Ouais, je rentre à la maison. Ouais. Fuck boy, oui je l'étais. Chaque jour j'enchaînais les dates. Elle s'allongeait, je faisais le reste. Pas de regret. Des gourmands j'en ai donné. Mais ça me faisait aucun effet. Ouais, je fais des bêtises, je recommençais. Ok, mon cœur je vais pas le donner. Impossible, hey. Gamos de 3 snaps au copain, lieu privé pour s'amuser. C'est facile. Si tu savais. Soirée à part, je vais me préparer. À gauche ou à droite, y'a ma cam, c'est parfait. Elle ou elle, pour moi, c'est pareil. Tu sais, pour être honnête, pour moi, c'était jamais trop. Depuis l'époque Navigo, je prenais le Uber pour aller voir les go. Moi, je prenais pas le métro. En couple ou pas, si elle dit oui, le jeu continue. M'en bats les couilles de la pointe tout de suite, je vais te parler tout ce que j'ai sur le cœur. Ouais, je vais vider mon sac, c'est comme ça que je fais. Baby, pour les gérer, j'avoue, j'étais un crack. T'as le mot d'or, je leur donnais le track. Sur plusieurs tours j'étais comme un Mac. Sur plusieurs tours j'étais comme un Mac. Je faisais la mélo, elle faisait mes packs. Pas de défense, moi j'étais d'attaque. Aujourd'hui j'ai pris une claque. Hey, switch. Comme toujours, j'avais pas qu'à l'arrivée. Les beaux jours, quand je parle des beaux jours, je parle de toi, ouais j'ai mis fin. La lumière chez elle, tu l'as éteint. Des projets pour nous, j'en ai plus d'un. Avant j'avais des putains, et maintenant, là c'est toi mon butin. Ouais pour t'avoir, moi j'ai tellement lutté. L'amour est fort, on va jamais chuter. Là t'as tout gagné pour toi, je vais changer. Baby girl. Ouais pour t'avoir, moi j'ai tellement lutté. L'amour est fort, on va jamais chuter. Là t'as tout gagné pour toi, je vais changer. Baby girl. Là t'as tout gagné pour toi, je vais changer. Amour est fort, on va jamais chuter. Baby girl, baby girl.